Mais lorsque l'homme se conscientise, lorsque l'homme finit par se libérer des contextes limitatifs du plan d'expérience de la planète, l'homme rencontre quelque chose d'autre qu'il n'appellera jamais plus Dieu. Au pire aller, il va l'appeler moi. Pas moi, mais vous, mais moi. Vous pouvez comprendre. Alors, on se souhaite une bonne année 86 de l'âge ancien ou une bonne année 17 de l'âge nouveau, comme vous voudrez. Je vous rappelle encore une fois que les noms des personnes qui participeront au symposium sont maintenant connus. Symposium du 26 janvier, de 13h jusqu'à 21h30. Rencontre avec des hommes nouveaux en compagnie de Roger Drollet, Dominique Toupin, Daniel Ménard et Daniel Kemp. Également que le PMC1 intensif aura lieu le 1er et le 2 février et que les arts martiaux, l'art d'AIM, soirée d'information le mercredi 22 janvier à 17h30. À l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp qui est « Le mal existe-t-il », vous pouvez recevoir la première partie de cette conférence présente. Voilà, on te rappelle.